on ne se sentait pas mal à l'aise après avoir menti. On tu continue, à l'aise. Tu continues dans le chemin. Mmh. Mais ici, on voit quelqu'un qui, par contre, dans son être intérieur, mmh. il semble qu'il y a la lumière arrivée, mmh. mais il se rend bien compte encore qu'il y a quelque chose qui le retient, qui, mmh. qui le brusque, qui le... Il, dans son cœur, il a le désir de faire le bien, mmh. mais dans sa chair, il se rend compte qu'il est incapable de faire ce bien-là. Donc il est en route. Il est en route. En fait, c'est-à-dire, je vois ici comme un chenet étant déjà en train de travailler, mmh. montrant encore une fois, confirmant encore une fois de plus que quand on est choisi de Dieu, lui-même commence à faire le travail. Mmh. Et que arriver vers cette maturité de sainteté, c'est vraiment un passage, c'est un processus que le Seigneur lui-même enclenche dans notre propre cœur pour mmh. nous amener vers cette maturité-là. Mmh. Et dans le verset, dans le chapitre 8, on voit maintenant quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui peut marcher par l'Esprit mmh. de manière concrète. Donc délivré de cet état-là. Délivré de cet état-là. Mmh. Donc aussi longtemps que il restait dans juste le désir mmh. de plaire au Seigneur, mais ne pas pouvoir le manifester, mmh. il avait un problème. Mmh. Mais à partir du moment où maintenant les œuvres de la chair commencent à être crucifiées par la révélation des Écritures, parce que yes. toutes ces choses arrivent par la révélation des Écritures, alors effectivement, il ouvre son cœur à ce que le Saint-Esprit vienne de plus en plus se déposer en lui mmh. et que de façon manifeste, il soit ancré dans le Seigneur, le Saint-Esprit s'ancre en lui mmh. et qu'il puisse donc désormais marcher par l'Esprit. Mmh. Donc, parce que effectivement, je dis, c'est une question. Donc, en clair, la personne n'est pas encore née de vous, mais il est dans la situation. Il est dans le processus d'être de la nouvelle naissance se manifeste de manière. C'est-à-dire qu'il prenne maintenant véritablement conscience mm-hmm. de ce qu'il est devenu en Christ. Parce que quelque part dans son cœur, il a ce désir. Mm. Et s'il a ce désir déjà, ça veut dire que le Seigneur commence déjà en train de commencer à travailler mm-hmm. dans son cœur. Autrement, il n'aurait jamais eu le désir de faire le bien. De prendre plaisir selon la loi de Dieu. Voilà. Mm-hmm. Parce que quand on parle ici, bien, je pense qu'il s'agit de la loi, pas de la loi écrite, mm-hmm. non pas bien de la loi spirituelle. Mm-hmm. Il désire respecter Dieu. Mm-hmm. Il semble que dans son cœur, il commence à voir ce que le Seigneur désire. Mm-hmm. Lorsqu'il dit, par exemple, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça. Mm-hmm. Mais il se rend bien compte que dans sa chair, il est toujours faible. Mm-hmm. Il a toujours ce désir-là. Mm-hmm. Et c'est là où on comprend aussi parfois la nécessité d'être délivré des puissances qui peuvent agir encore voilà. en nous pour nous amener vers la pleine, le plein service à notre Seigneur. Donc c'était juste ce passage-là que je tenais qui marquait mon attention par rapport à ce verset de Romains 7. Oui, mon frère, je veux continuer à ce que le père disait dans 1 Jean 3, verset 9. Oui. La Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Absolument. Donc ça veut dire que, comme on a dit aujourd'hui, celui qui est chrétien peut être influencé mm-hmm. par le péché. Mm-hmm. Mais ce n'est plus le péché qui vient. Qui demeure là-bas. Qui exactement. C'est pour cela que je ne sais pas si vous est-ce qu'on a parlé de cela, pourquoi le chrétien pêche encore. Vous avez remarqué dans la Bible, je ne sais pas où, il fallait qu'il me retrouve de l'endroit où on a parlé. Vous lisez 1 Corinthiens. C'est où? C'est ici où on a parlé. J'avais posé la question à quelqu'un, j'ai dit, vous pensez que les Corinthiens étaient baptisés Saint-Esprit? Il a dit non. Mais c'est à eux qu'on dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit lui-même. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire mentir l'Écriture. La Bible dit que vous avez été racheté un grand prix, glorifié Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est à eux qui s'adresse. Puis dit au chapitre 5, on entend dire qu'il y a parmi vous une impurité. Et une impurité, pas même que ça reste, non même pas chez. Ça veut que c'est une église qui avait que l'impurité était de haut niveau. C'était une impurité église ecclésiastique. C'est-à-dire que même les mondains restaient comme ça que yes papa. Les gars sont la lumière du monde, ils nous apprennent les affaires là. Et l'apôtre Paul dit que vous n'êtes pas entré dans l'affliction. Donc ça ne les dérangeait pas. Frère, ils avaient le Saint-Esprit. Oui, ils avaient le Saint-Esprit. Le maïs que vous avez dans la graine, je crois que c'est la meilleure façon d'expliquer ici. Vous avez les graines de maïs. Toutes les tiges de maïs que vous allez manger plus tard, dans 3 ou 4 mois, c'est tout à l'intérieur. Vous comprenez ce que je viens de dire? Ok. Lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, ça vient avec tous les dons que vous allez vraiment utiliser sur la terre. C'est là-dedans. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, quand il vient sur vous et que ce que vous entendez, cette chose vous fait ouah, ouah, ouah, ouah.